Vous dites que vous auriez pu devenir une amie pour Gabriel Ardalionitch? En êtes-vous sûre, Aglaé? Oh, je n'en sais rien. Gabriel Ardalionitch a une âme vile. Il ne risque pas de s'engager sans garantie. Il veut être certain que les 75 000 roubles qu'il perdra en ne se mariant pas avec Nastassia Philipovna seront compensés par une promesse formelle de ma part. Non, non, ne poursuivez pas, Aglaé, si cela doit vous faire souffrir. Un Gabriel Ardalionitch ne peut pas me faire souffrir. Il peut seulement m'irriter. Et comme je veux que vous sachiez quel homme il est, je continue. Il m'est arrivé de le plaindre une fois, c'est vrai. Mais je l'ai vite percé à jour et je me suis détournée de lui. Trop tard. Profitant d'un moment d'abandon de ma part, il a essayé de mettre sa patte sur moi. Il essaie toujours. Mais cela suffit. Prenez ce billet et rendez-le lui. Allez, prince. Bien. Attendez. Vous avez changé d'avis, Aglaé? Vous voulez garder le billet? Oh non. Je veux seulement vous demander si vous avez vraiment l'intention d'habiter chez cet homme. Mais c'est Ivan Fedorovitch, votre père, qui me l'a conseillé. Alors soyez prudent. Très prudent. Il ne vous pardonnera jamais de le lui avoir apporté, cet ignoble billet. Le visage d'Aglaé était sérieux, renfrogné même. Elle ne me tendit pas la main. Elle se borna à me faire un signe de tête en guise d'adieu. Je l'abandonnai, triste et inquiet. Je pris mon paquet et je descendis dans la rue. Gabriel Ardalionitch m'attendait à quelques pas de la maison des Yepanchin. Une sorte de rage était peinte sur ses traits. Il envoya un coup de pied à un pauvre chien qui passait près de lui. Lorsqu'il m'aperçut, il vint à ma rencontre. La réponse, prince. Que vous a dit Aglaé Ivanovna? Au fait, lui avez-vous transmis mon billet? Oui, mais Aglaé Ivanovna m'a prié de vous le rendre. Ce n'est pas possible qu'elle me retourne comme ça mon billet! Avouez que vous ne lui avez pas remis, Judas! Vous vous emportez, Gabriel Ardalionitch. Et vous m'insultez inutilement. J'ai transmis votre lettre. Et dans les conditions que vous aviez fixées vous-même. Si je l'ai de nouveau entre les mains, c'est qu'Aglaé Ivanovna, après me l'avoir fait lire, m'a ordonné de vous le rendre. Elle vous l'a fait lire? Oui. Vous mentez! Je dis vrai. Et croyez-moi, je regrette que cela vous porte ombrage. Admettons. Mais elle a dû vous donner une réponse. Naturellement. Alors parlez, pourquoi vous taisez-vous? Pour ne pas vous affliger. Mais comme vous insistez, je vous répéterai exactement ce qu'elle m'a dit. Prenez ce billet, prince, et rendez-le lui. C'est là toute ma réponse. Ah, c'est ainsi. On me fiche mes lettres à la figure. On me méprise et on me nargue. Vous aurez de mes nouvelles, chère Aglaé Ivanovna. Vous en aurez, n'en doutez pas. Mais soudain, Gabriel Ardalionitch se rasséréna et se tut. Nous marchâmes un bon moment en silence le long du trottoir presque désert. Prince, comment avez-vous pu gagner la confiance d'Aglaé Ivanovna si peu de temps après avoir fait sa connaissance? Vous qui êtes, pour ainsi dire, un faible d'esprit. Voilà ce que je ne pourrais pas vous expliquer. Écoutez, prince, ne pourriez-vous pas rassembler vos souvenirs? Lorsqu'on vous a introduit chez le général Yepanchin, de quoi avez-vous parlé à Aglaé? De la Suisse. Non, diable, la Suisse! Après. De la peine de mort. De la peine de mort? Vous vous moquez de moi? Non, non. Nous avons parlé de la peine de mort, Gabriel Ardalionitch. Et puis, je leur ai raconté l'histoire d'une pauvre fille. Oh, diable, la pauvre fille! Et ensuite, j'ai parlé des visages, de leur expression. Et j'ai dit qu'Aglaé Ivanovna était presque aussi belle que Nastassia Philipovna. Vous voyez bien que vous avez eu la langue trop longue! Oh, maudit idiot! Gabriel Ardalionitch se mit de nouveau à proférer des injures. Et comme je me taisais, il finit par perdre tout contrôle de lui. Encore un peu, il m'aurait craché la figure tellement il était furieux. Alors je décidai de le calmer à tout prix. Écoutez, Gabriel Ardalionitch, pendant tout le temps de ma maladie, j'étais en effet presque idiot. Mais à présent, je suis guéri. C'est pourquoi il m'était désagréable de m'entendre traiter d'idiot. Je comprends bien que vous soyez dépité, que vous cherchiez à me rendre responsable de vos déboires, mais cela ne vous excuse pas entièrement. Séparons-nous plutôt. J'ai encore 25 roubles, je trouverai bien un hôtel garni. Adieu. Ne me tenez pas rigueur de mon emportement, prince. Songez à la situation dans laquelle je me trouve et pardonnez-moi, bien que je sois impardonnable. Oh, je n'ai pas besoin de telles excuses, Gabriel Ardalionitch. Je me rends bien compte que vous êtes très contrarié, ce qui explique votre attitude à mon égard. Mais enfin, puisque vous la regrettez, oublions tout. Et allons chez vous, hein? Si vous tenez toujours à m'avoir pour pensionnaire. Mais naturellement, votre présence dans notre maison sera un grand honneur et une grande joie pour nous tous. C'est-à-dire pour ma mère, Nina Alexandrovna, pour ma sœur, Varvara, pour mon père, le général en retraite, Ivolgin, et pour mon petit frère, Kolia. Mais ne restons pas ici au milieu de la rue. Venez, prince, j'ai hâte de vous voir installé chez nous et, par une conduite exemplaire, de me faire définitivement pardonner mes écarts de langage de tout à l'heure. Venez, prince, venez, mon cher. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Ginette Taffin, Aglaé, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, musique d'Edgar Cosma, production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.